Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 25 novembre 2021. Voici les grands titres de cette édition. Une somme de plus de 51 millions de francs burundais a été détournée par les agents percepteurs de la mairie de Bujumbura en une période de 2 mois et demi. Ils ont jusqu'à lundi pour avoir restitué cet argent. L'injonction a été donnée ce mercredi par le ministre en charge du développement communautaire. Et la campagne mondiale des 16 jours d'action contre les violences basées sur le genre débute ce jeudi, journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Au Burundi, cette campagne a été lancée à Muyinga. Les habitants de cette province divergent sur la définition des violences basées sur le genre. Nous irons en commune Kigamba de la province Tiankouzo, où la santé sexuelle et reproductive reste un sujet tabou. Les parents éprouvent en effet des difficultés à échanger là-dessus avec leurs enfants. Eli Nibel Nibigira les a rencontrés pour nous. Il est de retour. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, le président de la République a officiellement remis ce jeudi à la population de Chivitoke une adduction d'eau potable. Évariste Ndayishimiye leur a demandé d'en faire un bon usage, surtout que cela faisait beaucoup de temps qu'elle en manquait énormément. Très réjouie de ce don, la population de Chivitoke a promis de bien entretenir cette infrastructure. La campagne mondiale des 16 jours d'action contre les violences basées sur le genre débute ce jeudi. C'est une journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Au Burundi, cette campagne a été lancée à Muyinga. Les habitants de cette province divergent sur la définition des violences basées sur le genre. En effet, certains estiment que ce sont des violences faites à l'endroit des femmes uniquement. D'autres trouvent qu'elles concernent aussi les hommes. Mais tous ces habitants convergent sur leur persistance dans les communautés. Et la lutte contre les violences basées sur le genre atteint une étape significative, même si un pas reste à faire, d'après la coordinatrice de l'Association des femmes juristes. Selon Marie Emerusabe, le gouvernement burundais devrait légiférer sur de nouveaux cas de violence, dont celle économique, pour éradiquer ces violences basées sur le genre. On l'écoute. Il y a les violences physiques, violences économiques, violences psychologiques et les violences économiques. Pour le moment, on dirait qu'il y a un pas par rapport au passé, mais il y a d'autres choses à faire. Nous faisons des sensibilisations à tous les niveaux. On sensibilise la communauté, on sensibilise les leaders communautaires, les élus locaux. On sensibilise aussi la jeunesse au niveau des écoles, mais aussi on dote des outils contenant des lois à nos leaders communautaires pour qu'ils fassent aller tour de sensibilisation, mais aussi accompagnent les victimes. Ce qui devrait être fait en grande partie, ce sont les efforts du gouvernement pour donc légiférer là où il n'y a pas de loi, mais aussi pour faire le suivi des nouveaux cas, bien de nouvelles formes de violence, afin donc de trouver des moyens de les éradiquer. À la source, reportage. Certains jeunes de Kigamba en province Tiankouzo ne sont pas satisfaits des connaissances de la part de leurs parents sur la santé sexuelle et reproductive. De leur côté, les parents avancent qu'ils ne peuvent pas oser partager ce genre d'informations à leurs enfants, tandis que d'autres trouvent qu'il ne faut pas cacher la vérité à l'enfant. Anne-Marie Karibougué, conseillère de l'administrateur de Kigamba en charge des affaires sociales, dit que la commune dispose d'un centre d'apprentissage de la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes. Eline Bell Nibigira. Ce sont des jeunes majoritairement élèves de moins de 20 ans. Nous les rencontrons au stade de Kigamba en province de Tiankouzo et ils affirment que les informations sur la santé sexuelle fournies par leurs parents ne suffisent pas, estimant que c'est du tabou. Quand on est en train d'échanger, on peut aborder ce sujet et on apprend quelque chose de nouveau. À la maison, les parents nous en parlaient, mais sans plus de détails. Je ne sais pas s'ils ont honte ou qu'ils nous considèrent toujours petites pour l'apprendre. Il arrive par exemple qu'un parent se dise que si jamais il partage ces informations à son enfant, il va chercher à le découvrir parce qu'il le lui a appris. Cette femme de la colline de Sagara, que l'on demande si elle est d'accord avec l'apprentissage des enfants sur la santé sexuelle, elle est catégorique. Ça, ce n'est pas de choses à partager à mon enfant actuellement. L'éducation que nous voyons diffère de celle du passé. Moi, je trouve que ces apprentissages ne sont pas nécessaires, car moi aussi, je ne l'ai pas appris. Ce qui est regrettable maintenant, on dirait que c'est la fin du monde. On en parle partout. Moi, je ne peux pas le partager, ni à mes enfants, ni aux passants. Toutefois, Cet homme trouve nécessaire que l'enfant ait des informations sur la santé sexuelle, vu les conséquences de l'ignorance sexuelle dans le passé. Dans le passé, par exemple, on pouvait épouser une femme que l'on n'a jamais rencontrée. Qu'elle soit sauvage ou malade, tu devrais prendre l'eau chaude de ton père. Mais aujourd'hui, il faut lui apprendre tout et comment ça se passe avec de plus amples informations sans honte. Il ne faut pas lui cacher la vérité. Anne-Marie Kalibugwe, conseillère de l'administrateur de la commune Kigamba, chargée des affaires sociales, politiques et juridiques, appelle les parents à oser fournir des informations sur la santé sexuelle à leurs enfants. Nous disposons d'un centre de santé ami des jeunes. Les jeunes qui le souhaitent bénéficient des enseignements. Nous sensibilisons les parents à parler à leurs enfants de tous les signes préliminaires, comme l'apparition des seins et les premières règles. Il faut leur donner toutes les explications. En commune Kigamba, les grossesses non désirées en milieu scolaire ont diminué, mais au contraire augmenté dans les communautés, nuance cette autorité. Eline Belle Nibigira de retour de Kigamba en province de Tchankouzo. Une somme de plus de 51 millions de francs burundais a été détournée par les agents percepteurs de la mairie de Bujumbura en une période de 2 mois et demi. Dans une réunion ce mercredi soir entre le ministre en charge du développement communautaire et les percepteurs ainsi que les administratifs, le ministre Gervin de la Kobucha a exigé que la totalité de cet argent soit restituée jusqu'à lundi. Les détails avec Médard Niyonguru. Les présumés auteurs de détournement des fonds de la mairie de Bujumbura dans le secteur de transport ont précisé que les retards salariaux et le manque de quoi mettre sous la dent sont à l'origine de ce détournement. Le manque de quoi manger et le retard dans le paiement nous poussent souvent de demander 2000 francs pour acheter quelque chose à la famille. On a commis des erreurs, mais ça ne se reproduira plus. Ces percepteurs ont signalé, entre autres, le manque de contrats de travail comme défi principal dans leur travail quotidien, sans oublier le manque d'acquisition d'un dixième de l'argent perçu. On nous a dit qu'on va nous payer 10% des entrées, mais ce n'est pas le cas. Vous savez vous-même nos salaires. On n'a même pas de compte bancaire. Ensuite, nous n'avons même pas d'assurance, alors que les accidents rencontrés sur les routes sont nombreux. Le ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions a déclaré que la faute commise par ces percepteurs est une infraction. Pourquoi avez-vous osé voler l'argent du contribuable? On allait voir votre travail et peut-être ajouter quelque chose sur votre salaire. La faute que vous avez commise est une infraction. Il y a faux et usage de faux. C'est exactement à Mimba. Vous n'avez rien à justifier. Gervais Ndila Kobucha a donné un délai allant jusqu'à lundi pour verser la totalité de cet argent dans les caisses de la mairie. Nous sommes mercredi. Je donne jusqu'à lundi pour verser la totalité de cet argent. J'attends le maire de la ville pour me dire que les 51 millions et plus sont dans les caisses de la mairie. Au cas contraire, on va appliquer la loi. Parmi ces percepteurs, il y a ceux qui ont avoué la faute et sont contraints à payer. Mais pour d'autres, le ministre a demandé d'établir leurs dossiers et de les envoyer à la prison centrale de Mimba. Ceux qui n'ont pas accepté leur faute, je demande à la police d'établir leur dossier rapidement possible. Ils plaideront leur cause en tant que prévenus. Le ministre Gervais Ndila Kobucha a demandé à tous les contribuables de présenter leur quittance à la mairie à la fin de leur paiement pour vérifier que l'argent perçu est semblable à la recette. Et les usagers du marché de bétail de Viergua en commune Gachikanoua de la province Ngozi dénoncent la double taxation faite par les communes Ngozi et Gachikanoua sur une même bête acheminée dans ce marché. L'inspecteur des finances communales compte en débattre avec les administrateurs communaux dans l'intérêt de la population. Apollinaire Mounzagara. Le cas le plus récent est celui d'un certain Eric Chiza qui a mené son mercredi ses 3 chèvres au marché de Viergua qui se tient chaque mercredi. Les percepteurs de taxes de la commune Ngozi l'ont arrêté et lui ont exigé le paiement de 1500 francs bou à chacune. Il a rétorqué que la taxe communale se paie normalement au marché de bétail et pas en cours de route. Mais ces derniers l'ont menacé de saisir de ses dettes. Il a fini par s'endetter pour quitter cet endroit. Arrivé au marché, il a dû payer là aussi 2000 francs bou pour chaque chèvre, donc 3500 francs de taxes sur chacune des chèvres, une taxe qui entre à Gachikanoua et Angol pour la vache. Les percepteurs d'Ngozi exigent 3000 francs bou. C'est au moment où Gachikanoua perçoit 4000 francs bou par vache, donc au total 7000 francs bruts par vache dans les deux communes, chose qualifiée de vol par de nombreuses victimes de cette double taxe. L'inspecteur des finances communales en province Ngozi indique que la taxe devrait être payée une fois que la bête arrive au marché. Le rapporteur Ndoumnami envisage en parler aux administrateurs communaux de Ngozi afin d'éviter cette surtaxation faite à la population de Ngozi. Apprenez Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Muzagara. Et plus de 1200 personnes seront positives du VIH-Sida, dont plus de 400 de sexe masculin, plus de 700 de sexe féminin, sont sous traitement dans toute la province de Kirundo. Jeanne Gapia, représentante légale de l'ANSS au Burundi, demande à la population de Kirundo de se faire dépister pour connaître leur état de santé. Elle a également interpellé toute personne ayant commencé le traitement d'éviter la rupture sous prétexte que la charge virale est négative. Et cela a été dit ce mercredi au centre de Kirundo lors des cérémonies de la campagne de dépistage pour l'hépatite et le cancer de l'utérus. De Kirundo à Brun Safari. 1203 personnes, tel est le nombre des porteurs du VIH-Sida en province de Kirundo et qui sont sous traitement. Parmi elles, 426 sont de sexe masculin et 775 sont de sexe féminin. Cela est précisé par Mukuranida Evariste, président de l'association des personnes porteurs du VIH-Sida à Kirundo, confirmé également par le coordonnateur de l'ANSS Antenne Kirundo, Dr Guy Fleury Mugisha. Le président de l'association Evariste Mukuranida nous a fait savoir qu'ils font des activités de développement, entre autres l'agriculture et l'élevage. D'ailleurs, précise-t-il, plus de 518 millions de nos francs ont été octroyés à ces personnes regroupées en association. Quant au coordonnateur de l'ANSS, Antenne Kirundo, 1000 personnes parmi les 1203 ne présentent plus de charges virales dans le sang suite à l'effet positif des médicaments. Néanmoins, comme l'a signalé Jeanne Gapia, représentante légale de l'ANSS au Burundi, toute personne ayant commencé à prendre le traitement ne peut en aucun cas l'abandonner sous prétexte qu'elle n'a plus de charge virale dans le sang, car le virus reste là, sauf qu'il ne peut pas se propager. Elle a demandé également aux porteurs du VIH de s'adonner aux travaux de développement au lieu de se prendre comme des malades, alors que le gouvernement fait tout pour leur donner gratuitement des médicaments. Et le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Atongimana, quant à lui, il les a promis le soutien, mais il leur a demandé d'être les premiers à combattre la propagation de ce virus. Comme ils l'ont fait pour lutter contre la pandémie du COVID-19, a-t-il continué, rien ne peut empêcher de le faire pour le virus du sida. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et en bref, en actualité nationale et internationale, 4 personnes sont détenues au cachot de la police judiciaire de Lomongue depuis l'après-midi de ce mercredi. Elles sont soupçonnées de complicité dans l'assassinat d'un certain Mourengue Lanoir Issaïdi, un détenu libre de la prison centrale de Lomongue, retrouvé mort l'après-midi de ce mercredi à l'embouchure de la rivière Mourengue du côté du quartier Kanyengoko de la ville de Lomongue. Ces personnes seraient les dernières à avoir été en contact avec le défunt qui avait été porté disparu il y a de cela plus d'une semaine, selon des sources auprès du parquet de la République à Lomongue. Et la suspension des activités minières au Burundi depuis juillet de cette année a un impact négatif sur la vie des ménages vivant près des sites d'exploitation. L'exemple étant celui de la commune Mabayi en province de Cibitoke. Là-bas, tous les exploitants réclament au gouvernement la reprise des activités. Au ministériel, les minerais dans ses attributions l'ont fait savoir que la révision des contrats miniers gagnant-gagnant prendra fin au premier trimestre de 2022. On marque une courte pause. Et c'est pour annoncer l'actualité internationale. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Campagne mondiale de 16 jours d'action contre les violences basées sur le genre qui débute ce jeudi. Journée pour l'élimination des violences faites aux femmes en Afrique du Sud, où le niveau de violence est de manière générale très fort. Le taux de féminicide est près de 5 fois plus élevé que dans le reste du monde. Selon les chiffres les plus récents de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, le pays se classant en haut de l'échelle mondiale en termes de violences faites aux femmes. Et 5 personnes ont été tuées et on dénombre plus d'une dizaine de blessés. Une énorme explosion a eu lieu ce matin dans la capitale somalienne Mogadiscio. Il s'agit d'une explosion à la voiture piégée selon l'agence France Presse. Un témoin décrit un panache de fumée et des coups de feu aux alentours du carrefour K4 de Mogadiscio.